même si, même sans, même juste, pour l'instant, même si, même sans, je t'aime d'honneur quand même, à la vie, à l'amour, donne encore, donne toujours, à la vie, à la mort, et donne sans remords. Même si, même sans, je t'aime d'honneur quand même.